Parlons Santé est une émission d'information et de sensibilisation de la population en matière de santé. Elle est réalisée par Egide Ndairagije et passe à la radio Ndiragakura tous les samedis à partir de 17h30. Fidèles auditeurs auditrices de la radio scolaire Ndiragakura et spécialement à vous les fidèles auditeurs auditrices de l'émission Parlons Santé, bonsoir et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Parlons Santé est une émission qui donne la parole à nos partenaires en matière de santé. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'évolution de l'épidémie du paludisme au Burundi avec la célébration de la 10e journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2017. Le thème retenu pour cette année est « En finir pour de bon avec le paludisme ». Au cours de cette émission, nous vous proposons de suivre la déclaration de la ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbele. Vous suivrez également le médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme, Dr Dionys Nizigimana, et le Dr Baza Dismas de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Egide Ndairagije qui vous souhaite la bienvenue et bonne écoute de notre émission. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet avec Dr Dionys Nizigimana. Il est médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme et il commence par la genèse de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était dans son discours d'ouverture de l'atelier Média, prélude à la célébration de la 10e journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2017, qui a été célébré, signalons-le, au Burundi en date du 26 avril 2017 dans la commune de Chankuzo, c'est dans le district sanitaire de Chankuzo. Docteur Dionys Nizigimana commence par l'historique de la célébration de cette journée depuis avril 2008. Depuis 2008, le Burundi se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril de chaque année. Cette année, nous célébrons la 10e journée sous le thème « En finir pour le bon avec le paludisme ». Je répète le thème « En finir pour le bon avec le paludisme ». Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le paludisme sévit des temps très ancien dans le monde et près de la moitié de la population mondiale serait exposée à cette maladie. Le rapport mondial 2016 met en lumière plusieurs tendances positives, notamment en Afrique subsaharienne où la maladie sévit le plus. Il indique que l'accès aux interventions préventives et thérapeutiques augmente rapidement parmi les populations qui en ont le plus besoin, et ce, dans beaucoup de pays. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils représentent plus de 2/3 des décès dits au paludisme dans le monde, soit 70%. Comme les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes sont aussi vulnérables. L'Organisation mondiale de la santé recommande le traitement préventif intermittent pendant la grossesse à toutes les femmes enceintes d'Afrique subsaharienne vivant dans les zones de transmission modérée à élevée et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à l'ensemble de la population à risque. Les progrès réalisés sont excellents, mais il reste beaucoup à faire. Pour la seule année 2015, les estimations font état de 2012 millions de cas de paludisme et de 429 décès en enfants meurent toutes les 10 minutes. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Au Burundi, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et compte parmi les principales priorités nationales en matière de santé. Selon l'annuaire statistique sanitaire de 2015, le paludisme est la première cause de morbi-mortalité au Burundi, avec un taux d'incidence de 54,86%. Il constitue 60% des motifs de consultation générale enregistrés dans les centres de santé avec un taux de 55% chez les enfants de moins de 5 ans. Il est responsable de 39,6% de décès hospitaliers. Bien que le paludisme reste encore la première cause de morbi-mortalité, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris des efforts importants dans la mise à échelle des interventions prioritaires de lutte contre le paludisme. L'émission, c'est Parlons Santé. Docteur Dionys Nizgimana, médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme, évoque les différentes campagnes successives de distribution des moustiques d'Omas, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans le cadre de la prévention du paludisme. En effet, en matière de prévention du paludisme, trois campagnes successives de distribution d'Omas des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour la couverture universelle ont été réalisés en 2009, 2011 et 2014, dont la dernière date de juin 2014, bien sûr, avec 5 020 076 militaires distribués et un taux de distribution de 97,8%. Le pays s'apprête à faire une campagne de renouvellement en 2017. Pour maintenir cette couverture universelle, des moustiquaires de routine sont régulièrement distribués aux groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, au cours de la première consultation prénatale et les enfants de 9 mois lors de la vaccination contre la rougeole. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, n'a pas manqué de protéger les personnes vivant dans des groupements particuliers, comme les écoles à régime d'internat, les campus universitaires, les camps militaires, les camps policiers, les orphelinats, les centres de métiers, les prisons, les centres des handicapés, les maisons de retraite et les maisons des missionnaires. La récente campagne a été menée en 2016, c'était la date du 13 décembre 2016. En matière de prise en charge du paludisme, selon toujours le médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme, des mesures d'accessibilité rapide aux soins ont été prises par le gouvernement du Burundi. Des mesures d'accessibilité rapide aux soins ont été également entreprises par le gouvernement. Nous citons notamment la disponibilité continue des intras de qualité pour la prise en charge du paludisme, le renforcement des capacités des prestataires de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, l'introduction de la prise en charge du paludisme grave par l'artésinat injectable, la prise en charge au niveau communautaire ainsi que le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Il est vrai que beaucoup de progrès ont été réalisés, mais les défis à relever sont encore importants. Les cas de paludisme n'ont pas cessé d'augmenter malgré les multiples interventions. Le premier trimestre de l'année 2016 a été marqué par une flambée épidémique dans le pays. Des interventions intensives ont été implémentées dans 18 districts sanitaires les plus touchés. Une baisse relative a été observée jusqu'en octobre 2016. Depuis la semaine 39 de l'année 2016, on a remarqué une nouvelle ascension des cas de paludisme et l'augmentation des cas de paludisme continue. Les régions les plus touchées sont les dépressions de l'Est, soit dans la province de Changuzo et la province de Ruyigi, les plateaux centraux, soit dans la province de Gitega et Karusi, autour des lacs du Nord, soit la province de Kinondo et Moyinga, et les hauts plateaux, soit dans la province d'Ngozi et province de Kayanza. Rien qu'à la semaine 9 de l'année 2017, 1,823,012 cas de paludisme confirmés ont été rapportés, soit une augmentation de 13% comparée à la même période de l'année précédente. Le seuil épidémique est largement dépassé dans ces régions. Sur base des cas de paludisme confirmés, au cours des 5 dernières années au Burundi, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec l'OMS, déclare que le seuil épidémique est largement dépassé et que le paludisme est une épidémie au Burundi et que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avec ses partenaires, vont adopter les stratégies prévues par l'OMS en période d'épidémie. Je pense que vous vous souvenez très bien que la déclaration a été faite, c'était le 13 mars de cette année en cours. Avant de terminer son allocution, le docteur Dionys Nizigimana, il signale les facteurs favorisant l'augmentation anormale du paludisme au Burundi. Cette augmentation anormale des cas de paludisme confirmé est expliquée par beaucoup de facteurs dont je peux citer le changement climatique, une utilisation non adéquate, bien sûr, de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, ainsi qu'à l'expansion de la riziculture qui fait justement naître des ostagnantes d'eau qui servent aux proliférations des gîtes larvaires. Devant cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, vient de mettre sur pied un plan de riposte qui va être utilisé pour la mobilisation des ressources afin de maîtriser et traquer cette épidémie. Nous sommes très motivés à lutter contre le paludisme car c'est une maladie qui continue à tuer un enfant toutes les 2 minutes. Il est plus que nécessaire que les interventions se focalisent énormément sur la communication auprès de la communauté en fait d'inciter la population à utiliser correctement les services offerts par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier pour votre présence et pour le temps que vous avez réservé à cet atelier, ce qui témoigne votre engagement dans la lutte contre le paludisme. Après l'allocution du directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme, je vous invite à suivre la déclaration de la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbele, à l'occasion de la célébration de la 10e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le 25 avril de chaque année, depuis 2008, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème de la 10e journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2017, est « En finir pour de bon avec le paludisme ». Le paludisme sévit des temps très anciens dans le monde et près de la moitié de la population mondiale serait exposée à cette maladie. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils représentent plus de 2/3 des décès dus au paludisme dans le monde. Nous commémorons cette journée mondiale au moment où, en date du 13 mars 2017, nous venons de déclarer l'épidémie du paludisme au Burundi. En effet, le paludisme est aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Durant la première semaine de l'année 2017, le nombre de cas de paludisme s'élevait à 232 764. Au moment de la déclaration, nous avions 166 035 cas. C'est ainsi que des actions énergiques ont été entreprises pour faire face à cette épidémie. Un plan de contingence a été élaboré et validé avec un coût de 41 763 909 dollars américains. Au moment où je vous parle, le gap oscille autour de 7 millions de dollars américains. Le redéploiement des prestataires du niveau central vers les districts sanitaires les plus touchés, c'est-à-dire Kirundo, Muyinga, Karusi, Changuzo, Gitega, Ngozi, Kayanza et Rutana. La pulvérisation intra-domiciliaire dans les provinces de Kayanza, de Muyinga a eu lieu. Le repositionnement des médicaments antipaludiques a également eu lieu. Des actions de sensibilisation de masse pour la prévention, la consultation précoce et la prise en charge correcte des cas par des médicaments en utilisant aussi des canaux de communication appropriés. Toutes ces actions ont donné des résultats probants. Puisque à cette date, les cas de paludisme sont en diminution. Puisque au courant de la semaine du 10 avril, les cas reportés sont à 149 796. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous saisissons cette occasion pour inviter la population burundaise à dormir toutes les nuits et tous les jours à rester sous moustiquaire imprégné d'insecticides, à consulter précocement et à prendre les médicaments conformément aux prescriptions des prestataires de soins. Après ces actions adéquates entreprises par le ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida et l'invitation de toute la population à dormir chaque fois sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, évoqué par Dr Josiane Nijimbere, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, cette fois-ci, faisons un pas vers l'Organisation mondiale de la santé où Dr Baza Dismas annonce cet espoir d'avoir un vaccin antipaludique qui sera testé pour la première fois à grande échelle dans 3 pays, à savoir le Kenya, le Ghana et le Malawi. C'est à partir de 2018. Ce vaccin est destiné aux enfants en bas âge les plus touchés par cette maladie. Docteur Baza Dismas commence par nous parler du processus de l'homologation de ce vaccin et les critères de sélection des bénéficiaires. Dans le processus d'homologation de mise des vaccins en santé publique, il y a 4 phases. Donc, le vaccin que j'ai indiqué, c'est le vaccin qui est le plus avancé. Il est en phase 3. Donc, il nous reste à la phase 4. En fait, la phase 4, c'est la phase de mise. Pourquoi on a ciblé les 3 pays? Pourquoi il n'y a pas le Burundi? Il y a un certain nombre de critères que j'ai évoqués. Les phases initiales, phase 1, phase 2, il y a un certain nombre d'hôpitaux pédiatriques qui avaient été ciblés. Il y a 7 hôpitaux en Afrique, 7 hôpitaux pédiatriques. Et vous allez comprendre qu'au Burundi, on n'a pas vraiment un grand hôpital pédiatrique comme tel. Et dans les 7 hôpitaux pédiatriques, les hôpitaux du Ghana, du Kenya et du Malawi étaient dedans. Donc, on a pris un petit échantillon des hôpitaux initiaux où on a testé ce vaccin à les 2 phases précédentes. Il y a également un critère de représentativité géographique. Quand vous regardez la répartition géographique des pays qui sont ciblés, il y a le Kenya, c'est disons Afrique centrale, Afrique de l'Est. Vous avez le Ghana, c'est en Afrique de l'Ouest, mais aussi vous avez le Malawi qui est en Afrique australe. Il y a plus ou moins une sorte de représentation géographique. Mais aussi, au stade de pilotage, on ne peut pas prendre beaucoup de pays parce qu'il y a des implications financières. Pour le moment, c'est le Fonds mondial qui va payer jusqu'en 2020. Mais il y a une mobilisation de ressources qui continue. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi une certaine implication financière qui fait qu'on ne peut pas impliquer tous les pays. Il y a le critère de la maladie. Bon, c'est vrai, le Burundi est parmi les pays qui ont un grand fardeau de la maladie, mais ce n'est pas le seul critère qui a été pris en compte. Il y a d'autres critères tels que la performance des programmes paludisme, surtout en termes de couverture à moustiquaire. Ils tiennent à mettre des pays où ils ont une grande couverture à moustiquaire, pour la simple raison qu'on va tester le vaccin, mais c'est vrai, mais il y a d'autres facteurs qu'on va étudier, d'autres facteurs associés. On doit prendre en compte le fait que le vaccin ne va pas agir isolément. Ce n'est pas une intervention isolée en matière de lutte contre le paludisme qui doit être mise en avant. Donc, ça veut dire que même si on va autoriser l'utilisation du vaccin, ceci ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les moustiquaires, qu'on va laisser tomber les traitements. Donc, on a tenu à utiliser ce vaccin dans des circonstances où il y a une utilisation de moustiquaires suffisamment élevée pour qu'on puisse comparer l'avantage synergique du vaccin plus moustiquaire, mais aussi du vaccin là où il n'y a pas de moustiquaire. Donc, ce sont les quelques critères qui ont été pris en compte dans le ciblage de ces pays. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est au stade de pilotage. Donc, pilotage, ça veut dire cibler quelques pays sur base d'un certain nombre de critères. C'est sur cette intervention du Dr Dismas Baza que nous mettons fin à notre émission Parlons Santé. Nous allons terminer cette émission par cette note d'espoir d'avoir ce vaccin antipaludique, le vaccin RTS, dans le processus d'homologation qui sera dans la phase pilote au Ghana, Kenya et Malawi, selon les informations en provenance de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous disons merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices de notre émission Parlons Santé. Merci aux différents intervenants dans cette émission, à savoir la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Josiane Mijimbele, Dr Dionys Nizigimana, il est médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au Burundi, et Dr Baza Dismas de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Égide Ndayilagije à la présentation de cette émission. Vous souhaite donc passer un très bon week-end chez vous avec la radio scolaire de la Gakula. Bye bye. C'était Parlons Santé, une émission d'information et de sensibilisation de la population en matière de santé. À la réalisation et à la présentation, Égide Ndayilagije.